So probably sans un table, on est assis comme ça, ce serait possible. It could be done. Ouais, moi je crois que ça pourrait être fait aussi. Si on est viré comme ça, je suis prêt à parler. Yeah. Pour voir comment est-ce que ça travaille. Tu parles pas beaucoup, c'est dur de faire un test. True. True. I'm not speaking a lot. Comment se fait quand tu parles ici que tu parles tout bas? Tu parles fort all the time. I don't know. Juste parle plus fort. I'll speak very loudly, like I normally do. Je sais, just like this. On est couché dans le lit, tu te vires par moi, tu me parles right dans l'oreille, puis tu me blow out le... Are you sleeping? Je sais, comme pourquoi est-ce que tu peux pas parler de moi quand on fait des tests pour voir si un micro travaille, tu parles right to bas. Okay, well, I'll speak loudly again. Bah, ça c'est peut-être trop fort, là. Too loud? Bah. Okay. T'as comme moi, see, I'm very paranoid. T'as comme moi, je parle pas fort. Je suis pas un gars qui parle fort. Ben, gars, là, je parle comme. Tu parles vraiment fort. Ben, right now, je parle pas super fort, but. Tu tones. Je tone pas. You're toning. I think he's toning. Test number two over. So, un matin, on a été au marché. Puis. C'est un gars ici qui vend du lapin. Actually, il y a deux gars qui vendent du lapin. C'est un gars ici qui vend du lapin. Du goat. Qu'est-ce qu'il y a une goat en français? Chèvre. Chèvre. Puis il vend de la brebis. Du mouton. Brebis. Comment tu dis lamb? Lamb. Brebis. Brebis? Yeah. Mouton is mutton. Puis brebis, c'est quoi, jeune? Lamb. Tu es sûr? Ben oui. Un agneau. Un agneau, c'est ça. L'agneau. So anyway, là, Nicole a commencé à dire qu'elle pouvait pas manger du lapin. Parce que ça semble un chat quand c'est gibé. C'est ça? Non. Ben, juste parce que moi, un lapin est considéré comme un pet, comme un companion animal. Ben c'est oui. ça? Je sais pas, moi j'ai jamais grandi avec quelqu'un qui mangeait des lapins. C'est comme... Moi, on avait des lapins, c'était Fluffy, puis Bunny, puis... So, as-tu déjà eu un lapin? Moi, je n'avais pas, mais Marc en avait. Marc, c'est ton frère, ça? Oui. OK. Oui, mon frère, il en avait. Je me rappelle garder des photos quand il était petit. Ça, c'était juste comme un pet? Ou il en avait plusieurs? Il en avait deux, là. Juste en arrière de la maison ou dans la maison? Non, derrière la maison, parce que c'était des pets. Ça, c'était pas... Parce que c'était des pets, mais c'était dans une cage. Yeah, I guess. This was way back, like, in the 60s, là. So, êtes-vous sûr que, comme, vous les avez pas mangés? Moi, j'ai pas mangé ça, because the rabbits would have been dead long before my time. Ah, avant que tu sois né, tu veux dire? Ben oui, Marc en avait... Ah, t'as pas connu les lapins? Non, Marc en avait plus vieux que moi. So... Je garde juste les photos, tu prends ça comme un exemple, tu les as jamais vus. Ah, parce que t'as vu les photos. J'ai vu les photos, c'était son pet. Ah, OK. Je me rappelle pas de son nom. Ben, so, j'ai traité... Il y avait un pet. Ouais, puis j'ai grandi que les lapins, c'était des pets. Et donc, quand je travaillais, ben, j'ai traité toutes sortes de lapins comme des pets. Je me rappelle du petit lapin là, qui s'avait cassé la patte, et j'ai mis le casque, et sa patte a tombé. La patte a tombé? Ben, elle était toute mummified quand j'ai enlevé le casque. C'est pourquoi il n'y avait plus de pattes? Ben, pas vraiment. C'est quoi ce qu'il faisait? Ben, juste pas de pattes. Il y avait juste une patte. C'est ouais. La patte d'en avant ou la patte d'en arrière? La patte d'en avant. Elle était encore là. Ah, OK. J'ai dit qu'il faudrait l'enlever, mais il n'y avait pas d'argent c'était pour l'enlever. C'était pas un lucky... C'était pas un lucky rabbit sweater. No, we shouldn't laugh. I don't know whatever happened with that bunny. So, really, c'est juste... So, tu peux manger du goat puis du lamb. Ben, je peux pas vraiment manger du lamb, parce que c'est juste... c'est un bébé puis c'est oui, cute. Oui, c'est juste... C'est freaking cute. Pas du goat, il n'y a pas trop. Ben, j'aime beaucoup des goats. Peut-être que je ne savais pas que c'était du goat, puis je ne me mettais pas à penser que c'était des goats. Puis... Alors, peux-tu manger du goat ou que tu peux pas? Ben, je sais pas. Comme ben, si ben, je parcherais du lapin, hein, puis tu ne saurais pas que c'est du lapin. Ben, je peux goûter du lapin. Tu ne pourrais pas goûter du lapin. It has a funny taste. Non, je pourrais faire du lapin, tu ne pourrais pas goûter. Pas du lapin élevé, peut-être du lapin... Sauvage. Sauvage, tu peux goûter. Ben, pas du lapin élevé. Des lapins après la neige. C'est pas que ça, là, comme il y a un goût avant la neige, après la neige ou ça. Dépendamment de ce qu'ils mangent. L'hiver, je crois, parce qu'ils mangent plus d'écorce. Ouais, ça change le goût, apparemment. Ouais. Je sais pas. Anyway, moi, je peux pas. J'ai un mental issue avec manger des lapins. All right, so quand tu avais la carcasse là, de ma cuisine, ça ressemble à une carcasse de chat. J'ai quasiment dégelé. Moi, j'aime vraiment ça. C'est vraiment une viande, encore beaucoup de goût. Là. Je vais faire de quoi comme avec du bon vin rouge là, ou boire un bon vin rouge avec. Là. Je l'avais fait fricasser dans la poêle. Là. Puis là, avec un petit peu de jus, là, j'avais mis ça dans le fourneau. Là. C'était vraiment bon. Actually, t'avais aimé ça. Oui, but... T'avais vraiment aimé ça, tu freakais. Mais j'ai vraiment des mental issues. Et après ça, tout d'un coup, non, je peux plus manger de lapin, for some reason. J'ai vraiment des mental issues avec ça. T'as definitely des mental issues. Avec les lapins. Ouais, et les lapins aussi. Oui. Non, I can't do the rabbit thing. Je sais pas. Yeah. Je pourrais peut-être back essayer, là, but... Je pourrais peut-être back essayer. Ouais. Peut-être si tu me dis pas. Si je te dis pas, ça, tu me donnes la permission de faire ça. De faire manger de quoi sans te dire. Oui. Ah. Oui, ça m'aiderait peut-être... Lapin et autres. I guess. Ouais. Yeah. Si tu sais pas. Si je sais pas. But ça t'a dit, comme si tu manges de quoi... Puis tu sais pas quoi ce que tu manges, puis t'aimes ça. Puis après, je t'ai dit que t'as mangé de quoi tu voulais pas manger. Puis t'as aimé, pourras-tu le manger après? Peut-être, oui. Puis t'as mangé du lapin, tu savais que c'était du lapin, yeah, t'as aimé ça. But then j'en ai mangé, puis ça goûtait vraiment weird. J'avais vraiment pas aimé ça. Mm. Ouais, les lapins qui sont plus forts. And then j'associais le goût, and then l'image de la carcasse, and then l'image de... Tu la petite fille qui traînait son lapin là, dans le waiting room là, avec sa patte cassée. Puis c'était juste comme... J'ai créé une image comme pathologique dans ma tête. OK. Ah ben, peut-être je t'en ferai essayer un truc temps. Yeah. Juste pas du cheval, par exemple. Je veux pas manger de cheval. OK, pas de cheval. Pas de tête du lapin. Ouais, tête du lapin. Même des brebis, là, des agneaux. Peut-être, même. Maybe. Je sais pas. Non, juste essayer avec le lapin first. Aussi longtemps que ça n'a pas été pogné avec le collet. Je compte le collet. OK, du lapin, tête du goût, pas du cheval, pas d'un collet. Pas d'un collet. OK, sounds good. Ben, pas de chat, puis de chien, puis ça faire de même, là. Non, ça c'est obvious. Ouais. Yeah. Mm-hmm. Awesome. All right, sounds good. Perfect. We'll keep you posted. Cheers.